Voici l'heure de l'épreuve pour vous. J'ai parlé de la pluie tout à l'heure, qui est fréquente en Normandie, tellement fréquente qu'on a des dictons comme ça, des trucs populaires, on dit, voilà, quand on entend les cloches de Madré, c'était à côté de chez moi, quand on entend les cloches de Madré par-dessus la Mayenne, c'est qu'il va pleuvoir. Et quand on n'entend pas les cloches de Madré, c'est qu'il pleut déjà. Chose dans ce genre-là. Hein. Alors la pluie, il y a un universitaire, il y a des gens quand même qui font des choses extraordinaires, qui a recensé le nombre de mots pour désigner la pluie dans les patois normands. Il en a trouvé plus que 40. Ah, ça va, ça s'étage. Alors il y a le brouilly, il y a la bruine. La bruine, ça c'est la bruine. Il y a le brumant. Ah, le brumant, ça c'est quand ça se lève comme ça de la terre le matin. Ça c'est le brumant. Il y a une titio. Titio, ça. Petite pluie, quoi. Il y a une pieuvasse. Ça pieuvasse, ça commence déjà à pleuvoir un peu. Ah, il y en a une qui est belle, c'est il rit, pleure. Quand il rit, pleure, c'est qu'il y a du soleil et de la pluie en même temps. C'est joli, ça. Hein, c'est très poétique. Hein. Ah oui, il rit, pleure. Puis après, il y a une rincée, une acharnée, une tapée. Enfin bon, là, ça commence à devenir très sérieux. Et là, je vais vous faire chanter, alors en patois normand, un petit refrain. Oui, parce que moi, je m'y suis mis aussi. Moi, hein. Quand je suis arrivé en Alsace, il a fallu faire... Mandrich villadin, a ding a ding a ding. Belle du vatarek le nez m'emmené. On voit si je ferme la radio, garnit sotte cas, etc. Donc maintenant c'est à vous, hein. C'est à votre tour. Alors ça fait le refrain, je vais juste vous proposer le refrain. Ça fait le ciel sans burn-out. Le ciel sans burn-out. Sans burn-outer, ça se couvre quoi, hein. Les poules s'accroupiotent, elles s'en vont au nid, elles se rentrent. Ça va pas tarder, bon, ça c'est pas difficile. Va nous enchaîner dans le pays. Va nous enchaîner, c'est choir. Va nous enchoir une renampée. Ça c'est un des 40 mots. Et donc la renampée, c'est déjà assez lourd. Hein. C'est un peu en dessous de la trapinée, mais c'est quand même pas mal. Donc. Le ciel sans burn-out, les poules s'accroupiotent, ça va pas tarder, va nous enchaîner dans le pays. Vous l'avez ? Je change d'accordéon, vous révisez pendant ce temps-là. Le ciel sans burn-out et les poules s'accroupiotent, ça va pas tarder, va nous enchaîner dans le pays. Encore, alors tous ensemble maintenant. Vous y êtes, hein? Le ciel sans burn-out et les poules s'accroupillent. Oh bien, ça va pas tarder, va nous enchaîner en paix. Ah ben ça y est, c'est bon. Allez, encore un coup. Le ciel sans burn-out et les poules s'accroupillent. Ça va pas tarder, va nous enchaîner en paix. Avec ses petits yeux malins, par-dessus ses vieilles lunettes, quand le temps tournait vilain, ma grand-mère disait souvent, le ciel s'envole et les poules s'accroupillent, ça va pas tarder, va nous enchaîner dans la paix. Le ciel s'envole et les poules s'accroupillent, ça va pas tarder, va nous enchaîner dans des ouais. Vous êtes mûrs, vous avez passé l'examen de Normand. Dans ce pays, il y a belle lurette, qu'on trouve plus de marchands d'ombrelles. Ils ont tous fait faillite, la berouine, c'est la ruine. Le ciel sans burn-out et les poules s'accroupillent. Ça va pas tarder, va nous enchaîner, non mais encore, le ciel s'envole nous, et les poules s'accroupillent. Ça va pas tarder, va nous enchaîner, non mais. Ma grand-mère, dans un sourire, en revenant à son ouvrage, nous disait, soyez contents, après la pluie vient l'orage. À la ciel sans Bruneau, et les poules s'incroquillent, ça va pas tarder à nous enchaîner. À la ciel sans Bruneau, et les poules s'incroquillent, ça va pas tarder à nous enchaîner.